C'est aujourd'hui fête à Tamaracet. Aïcha vient chercher son kallal, tam-tam de terre cuite, recouvert d'une peau de chèvre. Elle a revêtu ses robes neuves et ses plus beaux bijoux, gros bracelets d'argent moulés au poignet, pendentifs sur la poitrine et aux oreilles de lourds anneaux d'argent. Elle a décoré son visage de petits points rouges. C'est un fard qu'elle fabrique elle-même avec de la gomme et du safran. Elle en a enduit aussi ses cheveux et pour faire croire qu'ils sont longs, elle leur a ajouté, comme c'est la coutume, deux grandes tresses de coton noir. Aïcha va rejoindre le cortège de femmes qui passe dans une clameur de tam-tam. Ces femmes ont préparé le couscous que leur a commandé la famille du marié, car c'est un grand mariage aujourd'hui et l'on dansera la barazana ou danse des fusils. Dans les énormes plats de bois, les grains de couscous sont à l'abri sous les couvre-plats de paille tressée. La sauce et la viande sont dans des marmites d'émail qu'on porte à la main. Et ces petites caisses de bois, comme le beau coffret à clous dorés, renferment les précieuses feuilles de thé vert avec le sucre. Croyez-vous que son gros plat sur la tête gêne Zahra? Elle marche les mains libres, frappant de son petit tam-tam qu'on appelle baqa, de ton aigu. Les hommes à côté en ont de plus gros qu'ils suspendent devant leur poitrine à l'aide d'un chèche. Les musiciens forment le front du cortège. Certains ont de gros tam-tam à son grave, d'autres de plus petits de ton aigu. Il y a aussi des tambours comme celui-ci, qu'on frappe de la main d'un côté et d'un bâton recourbé de l'autre. Au milieu des musiciens est arrivé un petit homme noir, un fusil à la main. Il a les reins entourés d'une ceinture de laine brodée avec des pompons et sur la poitrine un baudrier de parade, multicolore comme la ceinture. Cet homme, c'est Boudjemaa, le cordonnier du village. C'est lui qui commande la barazana. La barazana a toujours beaucoup de monde. Les jeunes gens et les vieillards dansent côte à côte avec leurs vieux fusils qu'on charge par la gueule d'une poudre blanche qui claque très fort. Ils sont en ligne devant les musiciens et marquent le pas en chantant. Ils traversent les rues et les places de Tamaracet en direction de la maison du marié. La poussière monte sous les pas. Les danseurs sont heureux. Ils invoquent dans leur chant la protection des saints de leur pays. Ils demandent leur bénédiction. Nous voici devant la maison du marié. Les femmes s'engouffrent avec leurs précieuses charges. Elles vont faire, dans la cour intérieure, un orchestre de tam-tam qui répondra à celui des hommes. De leur côté, les danseurs aussi forment le cercle. D'abord le fusil haut, puis quand le chef a distribué les capsules, ils retournent le canon vers le sol. Ils sont tous prêts, crispés sur leurs fusils. Le petit homme noir gesticule au milieu du cercle. Il saute. Il fait des moulinets avec son arme, passe devant chaque danseur, le scrutant des yeux. Il invoque la puissance divine, il invoque le salut, avant la minute terrible du feu. Les musiciens, eux, redoublent de vacarme et de coups. Les tam-tams claquent à se briser. Et alors, le petit homme a sauté en hurlant. Et tous à la fois, tous ont tiré leur charge à terre, dans un énorme coup de canon assourdissant au milieu des fumées blanches et âcres qui nous grisent avec le bruit. Les danseurs, un peu hébétés, sautillent encore et l'on s'arrêtera un moment pour reprendre quelques minutes plus tard le même rythme, la même cadence qui ira grandissante vers un autre baroud en l'honneur des mariés. Et tous ces gens vont manger ensuite d'un appétit féroce les énormes plats de couscous et de viande qui les attendent dans la petite maison.